du vent paradisiaque des envies salivées. J'ai voulu croire et j'ai cru au-delà de la douleur, de la vertu, jusqu'au point de non-retour quand tout s'écroulait. Continuez même quand la musique se tait.